écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique « Le pourquoi du comment ». L'individualisme est-il une réalité ? On parle aujourd'hui beaucoup de l'individualisme comme une sorte de mal généralisé, une sorte de maladie qui envahirait toute la société. Certains polémistes, comme on dit, disent même que c'est le danger suprême de nos sociétés modernes et démocratiques et qu'il faudrait revenir à des totalités closes, des identités collectives pour lutter contre cette dérive qui amènerait les individus à choisir leur vie et leurs valeurs indépendamment et même parfois contre tous les autres et contre le collectif. Mais existe-t-il réellement un tel individualisme généralisé ? Les individus dans nos sociétés démocratiques se font-ils véritablement passer les uns toujours avant et contre les autres ? Ou bien n'est-ce là qu'une pathologie d'une certaine création, d'une constitution des individus qui définit en effet la société moderne et démocratique, mais sur la base de relations sociales riches et complexes et surtout une création mutuelle des individus ? Les philosophes disent une individuation toujours en mouvement et non pas un individualisme présupposé et figé qui amènerait en effet chacun à lutter les uns contre les autres. Bien sûr, il y a des sphères de l'individu, de la reconnaissance individuelle absolue. L'économie s'est construite sur l'hypothèse d'un homo economicus, d'un individu isolé en lutte avec les autres dans une compétition économique. On parle d'individualisme méthodologique. Il faut évidemment éviter de transposer cette fiction scientifique en un modèle de vie. Au contraire, il s'agit de penser cette petite partie de la représentation de nous-mêmes comme un élément dans un ensemble qui est l'individuation globale, qui passe par la relation avec les autres et par le social. Jaurès lui-même, le plus grand socialiste du XXe siècle en France, pensait le socialisme comme devant aboutir à la création d'individus différents les uns des autres et créateurs par des relations sociales, par une société qui culmine dans cette création mutuelle des individus. Et l'individualisme moral, qui peut être celui de la compétition acharnée, est aussi souvent, comme chez certains moralistes récents, une limite. Quand on rencontre l'individualité de l'autre, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et un philosophe qui se disait minimaliste, comme Ruven Ogien, disait justement que le tout de la morale, c'était de ne pas nuire à l'autre individu. Cela, c'est un individualisme, au fond, qui tient compte de l'individualité de tout le monde, un individualisme universel et qui empêche aussi des intrusions du social dans nos vies individuelles. Peut-être cela paraîtra-t-il encore trop individualiste pour certains, même si cela permet d'évacuer ce fantasme, ce fantôme d'un individualisme généralisé. En réalité, ce qu'il faut soutenir en creux, c'est véritablement une certaine forme de dépendance de l'identité individuelle vis-à-vis d'autrui. Oui, nous avons besoin du collectif, nous avons besoin surtout des autres individus qu'ils s'adressent à nous pour nous créer comme individus. C'est ce que les théoriciens de la psychologie appellent l'attachement. Il faut que quelqu'un s'adresse à nous comme à un individu pour que nous existions. Nous dépendons des autres pour exister comme individus. Mais justement, cette individuation n'est pas un présupposé, ça n'est pas non plus un fantasme, ça n'est pas une guerre des uns contre les autres, c'est le résultat des relations humaines les plus riches. Arrêtons donc de critiquer l'individualisme en général, d'avoir une nostalgie des sociétés collectives qui seraient le bien absolu de l'humanité dans son ensemble. Partons plutôt des relations qui nous créent mutuellement les uns les autres. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, Nicolas Berger à la réalisation avec à la prise de son aujourd'hui Dalia et François Raison à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous non pas lundi, car lundi c'est la messe, je vous donne rendez-vous donc mardi pour une nouvelle série d'émissions et dès lundi ce sera le manuel d'Épictète. On parlera responsabilité, dignité, éthique. D'ici là, bon week-end et à mardi.